Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, le sexe comme objet, savoir et sexualité. Une série documentaire de Delphine Saltel, réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a l'envie de parler de sexe sans tomber dans les ornières habituelles, et l'anniversaire d'une loi qui avait ouvert grand la porte de la légèreté sexuelle aux femmes par la magie d'un minuscule cachet blanc. Il y a aussi la parution du dernier volume de Michel Foucault sur l'histoire de la sexualité qui arrive étrangement tard et reste bizarrement d'actualité. Les 1000 questions que l'on aimerait poser, le tabou qui nous empêche de le faire, mais au fur et à mesure des images, des sensations qui nous reviennent, il y a l'envie de montrer que le sexe aussi est un objet de recherche comme les autres, y compris dans nos pratiques ordinaires, le tout étant de pouvoir les définir. Alors pour commencer, les personnages. Un sociologue, des étudiants, des standardistes mal à l'aise, des directeurs de recherche, des médecins, des psychologues, des anthropologues, des sondés qui se livrent et des homosexuels et des transgenres plus exposés. Ensuite, le décor. Des standards téléphoniques, des bibliothèques, la table de l'entrée où trône le téléphone, des laboratoires, des réunions, du collectif, nos vies sexuelles et l'épidémie du sida. Aujourd'hui, deuxième épisode, il est temps de se poser des questions. Alors, chacun de nous a son point de vue sur les sentiments amoureux et le désir sexuel. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord ou pas d'accord du tout avec les idées suivantes ? L'attirance sexuelle conduit forcément à faire l'amour avec quelqu'un. Il peut y avoir amour sans fidélité. Les infidélités passagères renforcent l'amour. Dans la société actuelle, on provoque trop les désirs sexuels. Quand on est vraiment amoureux, on ne risque rien en matière de sida. Enquêter sur la sexualité, l'histoire d'une aventure scientifique au temps du sida. J'ai une atmosphère presque, pas de panique, mais presque, parce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient. On disait qu'il ne fallait pas aller chez le dentiste parce que s'il n'avait pas des instruments très propres, il risquait de contaminer, qu'il ne fallait peut-être pas aller dans les piscines parce qu'on ne savait pas très bien par où ça passait. Et surtout, les gens qui avaient associé le sida avec l'homosexualité, la drogue, etc., étaient encore plus révulsés. Et donc, ça prêtait à ne pas serrer la main de quelqu'un dont ils auraient su qu'il avait le sida ou dont ils suspectaient que peut-être il aurait le sida. Parce que la séropositivité, c'était pas une notion, c'était on avait le sida et donc on allait le transmettre. Et donc, dans toutes ces rumeurs, c'est vrai que ça créait un espèce de peur, enfin. Il y avait le manque de connaissances aussi un peu des médecins, je crois qu'ils n'avaient pas fini de faire le tour de la question. Même ma mère, qui est scientifique, elle m'a dit « va pas à la piscine ». On se demandait quel était le prochain qui serait touché. C'était ça, parce qu'on voyait et des gens qu'on connaissait de vue qui tombaient malades, puis ça se rapproche, c'est-à-dire des gens avec qui on avait des rapports sexuels et une vie affective qui tombaient malades et qui mouraient. Nous-mêmes, avec les débuts des tests, on découvrait séropositivité ou pas, après X semaines d'attente de tests, et on me disait, mais ne vous inquiétez pas, enfin, les gens continuaient. Hein. Donc c'était vraiment une période, et sans savoir comment faire, comment s'en sortir, il y avait quasiment... Le seul espoir qu'on disait, c'est, mais vous, rassurez-vous, tout le monde ne tombe pas malade dans une infection. Enfin, sauf que nous, on voyait tout notre entourage tomber, quoi. Avec en plus... des signes cliniques spectaculaires de maigreur, de type de pathologie qui touchait le cerveau, qui touchait les poumons, qui touchait la peau. Enfin, c'était l'accompagnement de gens qui allaient mourir, quoi. Le sida, c'est pas une épidémie. C'est une maladie qu'on peut éviter. Il se transmet seulement par les relations sexuelles et par le sang. Alors c'est facile de se protéger, de protéger ce qu'on aime. Il suffit de s'informer. Il ne passera pas par moi. Ce que l'on vient d'entendre, c'est la première campagne nationale de prévention du sida. Un clip télé réalisé par Jean-Jacques Benex en 1987, 4 ans à peine après l'identification du VIH par l'équipe du professeur Montagnier. En pleine hécatombe, le cap des 2000 malades vient d'être franchi en France. Sur l'image, en noir et blanc, on voit une jeune fille en sweat à capuche. Elle prend un regard déterminé et d'une main, elle casse en deux un grand trait rouge qui symbolise la courbe exponentielle de l'épidémie. C'est ça, le ton des premières campagnes du ministère de la Santé. Volontariste, rassurant et un peu à côté de la plaque. Le sida, il ne passera pas par moi. Comme si il suffisait de s'informer, de savoir, de vouloir pour se protéger. Comme si le sexe, c'était simple. Simple comme un spot de pub pour les préservatifs. Sans contradiction, sans incohérence, ni mécanisme de déni ou de honte, sans rapport de force. Aujourd'hui, les préservatifs préservent de tout, même du ridicule. Comment lutter contre une maladie sexuellement transmissible, mortelle, qu'on ne sait pas guérir, si on ne regarde pas la réalité en face, ce qui traverse la tête des gens au moment de faire l'amour, ce qui se pratique, bel et bien, effectivement, dans les lits conjugaux, dans les camionnettes du Bois de Boulogne, dans les chambres d'hôtel de 5 à 7, dans les bars gays ou les soirées étudiantes. De tout, sauf de l'amour. Alors en 1989, l'Agence nationale de recherche contre le sida lance une enquête. Un travail scientifique multidisciplinaire, une immense entreprise de recueil des données qui portera sur 20 000 personnes. Nom de code ACSF, analyse des comportements sexuels en France. Elle est présidée par le médecin épidémiologiste Alfred Spira et coordonnée par la sociodémographe Nathalie Bajos. La commande de cette enquête initialement par l'Agence nationale de recherche sur le sida, je dirais qu'elle était aussi précise que floue. Dans le sens, la commande était, on ne connaît rien de la sexualité en France depuis la dernière enquête de 1970. Le sida est une maladie qui se transmet par voie sexuelle. On a besoin de données sur la sexualité en France pour guider les politiques de prévention. Et c'était à nous de dire quel type de données pouvaient être utiles pour éclairer la demande. Il y avait, d'un point de vue médical, un noir complet. Il y avait donc une urgence de santé publique, une urgence sociale et une urgence politique. C'est-à-dire mettre en place des stratégies de prévention. Le dossier était suivi directement par le cabinet du Premier ministre et même j'avais droit de temps en temps à des avis du président de la République sur la façon dont les choses se déroulaient. L'enjeu, il était assez clair, c'est que le sida, maladie qui se transmet essentiellement par voie sexuelle, quelles sont les données dont on dispose sur la sexualité en France pour guider les politiques. La dernière grande enquête datait de 1970, on n'avait rien, aucune enquête sérieuse depuis cette date, et donc les politiques avançaient un peu à l'aveugle sur cette question de auprès de qui, comment, quelles sont les pratiques dans la population, quelles sont les représentations. On avait quasiment rien, quoi. Donc c'était évident qu'il fallait relancer une grande enquête sur la sexualité. Donc c'est Alfred Spira s'étant vu confier cette tâche, s'est dit tout de suite, il faut une approche pluridisciplinaire et il faut quelqu'un qui soit à plein temps pour gérer le projet. Et donc très vite, dès que j'ai accepté, je me suis prise au jeu. Et c'était surtout de monter une enquête, de tout inventer, puisqu'il n'y avait rien eu de fait depuis la dernière enquête Simon en 70. Alain Jamy, quand vous entendez parler de l'enquête à son démarrage en 1989, vous êtes un jeune chercheur à l'INSERM. Votre travail en sciences sociales porte déjà sur la sexualité, mais à ce moment-là, vous travaillez seul, un peu dans votre coin. C'est-à-dire, la sexualité n'intéressait plus le monde de la recherche après la contraception. Donc il y a eu un trou comme ça entre le rapport Simon qui datait de 70. Il y avait les historiens qui s'intéressaient à la sexualité chez les Grecs, l'homosexualité, enfin toute l'histoire, disons. Et il y avait les psychanalystes. C'était ça, si vous voulez, le paysage. Il n'y avait pas de masse importante, si vous voulez, de sciences sociales, d'anthropologie. Donc c'est à ce moment-là que l'enquête, c'était une opportunité historique, importante pour tout le monde, et pour moi le premier. C'était une grande aventure, mais je crois que la question principale, c'est comment est-ce qu'on va mesurer la dynamique de cette épidémie. Ce qu'on voulait, c'était avoir un temps T0 de référence, le plus tôt possible. L'épidémie, elle a commencé au début des années 80. On a véritablement commencé à en parler en France, en population générale, enfin, avec un vrai discours, une vraie visibilité politique à la fin des années 80. La première campagne nationale, je crois que c'est 1987. Donc l'enquête, elle est lancée en juin 89, mais à ce moment-là, on défrichait un champ quand même extrêmement nouveau. Et donc, on va essayer plusieurs regards, et c'est ça tout l'intérêt, c'est d'essayer de croiser différents regards pour arriver à comprendre un enjeu éminemment complexe, pourquoi les gens, même en connaissance de cause, s'engagent dans des pratiques à risque. Ce que je dirais aux gens, c'est de se protéger, d'avoir des rapports sexuels avec préservatif, de toucher à aucune drogue et de mener une vie normale tout en se protégeant. Les gens doivent comprendre que nous avons besoin de beaucoup de soutien psychologique. Nous ne devons pas être rejetés. Nous devons vivre normalement. Ne pas nous exclure de la société. Nous comprendre. Et que bon, cette maladie peut toucher tout le monde. Chaque personne peut être concernée. Je m'attendais pas du tout à être séropositif parce que... À partir de 1989, à la télé, dans les campagnes d'information grand public produites par l'Agence française de lutte contre le sida, on commence à montrer le visage de la maladie. Des témoignages de personnes atteintes du sida ou séropositives, des récits de proches qui accompagnent les malades vers la mort. C'est important d'aider un malade du sida. Dans ces spots, il y a quelque chose de victimisant, de macabre, une sorte de pitié dangereuse qui enrage les militants d'ACT UP. Pascal avait un sida, silence égale mort. Je refusais. C'était un des slogans de cette association de lutte issue de la communauté homosexuelle. Ça y est, je vais mourir. Dans les AG, les manifs, les apps, ACT UP dénonce les belles images qui font pleurer. Cette communication compassionnelle qui consiste en fait à les regarder mourir au lieu de prendre l'urgence à bras le corps. Aujourd'hui, chacun de nous peut les aider à vivre. Le contexte de l'enquête, au fond, Nathalie Bajos, c'était qu'il fallait changer de ton. Il y avait une urgence à parler vrai. À l'époque, c'était vraiment... on n'avait pas de données et on raisonnait un peu sur des préjugés, des a priori. Et il y avait cette forte demande de participer à cette enquête avec des motivations extrêmement différentes. Parce qu'il y avait une demande de l'ANRS qui était vraiment une perspective de santé publique. Et il y avait beaucoup d'équipes de recherche qui avaient envie de travailler sur la sexualité. Alors que la commande, elle était très clairement... de fournir des données pour aider à élaborer les politiques de prévention. Et c'est comme ça que finalement, on a réussi à monter cette équipe un peu hétéroclite, si je puis dire, avec des épidémiologistes, des sociologues, des démographes, des psychologues, des économistes, des chercheurs qui n'avaient pas du tout nécessairement l'habitude déjà de travailler dans des projets collectifs, de surcroît dans des projets pluridisciplinaires, et le tout dans un champ où finalement, il y avait quand même très peu de connaissances scientifiques sur les questions de sexualité. Donc c'était un vrai pari que d'arriver à constituer cette équipe. Pour vous donner un exemple très concret, quand il s'est agi de faire le questionnaire, puisque finalement chacun arrive, présente ses hypothèses, on les discute, et puis il y a une phase de construction du questionnaire, vous vous retrouvez avec un questionnaire de 300 pages, qui doit, à l'arrivée, en faire 30. Tout le monde essaye de dire pourquoi les questions qu'il a posées sont utiles, etc. Donc il y a toute une série de questions qui sont des questions d'intérêt commun, qui permettent de caractériser, par exemple, les personnes qui répondent, les relations affectives et sexuelles. Ça, c'est des questions d'intérêt commun. Et ensuite, il y a d'autres questions qui permettent à une équipe donnée de travailler sur sa problématique. Et j'ai un chercheur qui est arrivé avec un questionnaire de 50 pages sur les fantasmes, avec des questions qui allaient parfois extrêmement loin. Et voilà, donc là, ça donnait lieu à des discussions quand même assez virulentes pour dire que non, qu'on était dans une enquête en population générale et que certaines pratiques qui étaient investiguées dans le volet fantasme concernaient sûrement une infime minorité de personnes et que ça, sur une enquête auprès de 20 000 personnes, de toute façon, il n'aurait pas les moyens de faire quelque analyse que ce soit. Donc il y avait des incompréhensions très claires entre certains chercheurs et Fred Spira et moi, et puis d'autres chercheurs ailleurs. L'idée, c'était vraiment d'identifier clairement les situations à risque, les rapports sexuels à risque. Donc tout le monde n'était pas au même niveau dans la conception d'une enquête en population générale. On a néanmoins fait le choix avec Alfred Spira de mettre dans l'équipe de recherche des psychologues et des psychanalystes en pensant que justement ils allaient pouvoir nous apporter un regard critique aussi bien sur le travail de conception du questionnaire que dans le travail d'analyse des données, même si eux-mêmes ne savaient pas faire commenter un tableau statistique. Hélène Olomouki, comment vous vous êtes retrouvée à participer à cette aventure ? Moi, je suis rentrée par une petite porte. Je ne fais pas partie du groupe des chercheurs. Les chercheurs étaient déjà réunis. Moi, je suis arrivée là-dedans vraiment typiquement comme psychologue clinicienne. Je dois dire que c'était vraiment un plaisir et une chance pour moi parce qu'il y avait un enthousiasme. C'est-à-dire, autant c'était calamiteux du côté de la question de la mort, du sida, etc., autant cette équipe de chercheurs à qui on a donné la possibilité de se réunir, ils ne se parlaient pas nécessairement d'habitude. Il y avait cette ampleur, on était parti pour, voilà, ça a été 20 000 et quelques, donc, mais l'enthousiasme qu'il y avait dans cette grande salle de travail à l'INSERM pour se parler, et il y avait donc un esprit un peu d'aventure, de conquête, de choses comme ça. Quand on a élaboré le questionnaire, une des premières questions qu'on s'est posées, je puis dire, c'est comment on parle de sexualité? Comment on demande aux gens de nous parler de leur sexualité dans les actes précis, puisque on avait d'emblée décidé qu'on avait besoin d'informations qui permettaient de savoir ou pas si les personnes pouvaient avoir des pratiques sexuelles qui étaient à risque. Donc clairement, est-ce qu'on demande aux gens, est-ce que vous avez une pénétration vaginale, est-ce que vous avez une sodomie, est-ce que vous... On savait pas comment parler et on savait pas le niveau de connaissance des personnes qu'on allait interroger sur les termes qui pouvaient être utilisés. Donc comment on allait décrire les choses? Est-ce qu'on allait parler de sodomie ou est-ce qu'on allait dire est-ce que le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus? Mais est-ce que les gens connaissent anus? Est-ce que les gens connaissent vagin? Des questions qui finalement, c'est pas évident de savoir ce que les gens connaissent de leur anatomie et puis surtout comment ils parlent de... Évidemment, en général, on parle pas de... On raconte pas son dernier rapport sexuel. Donc on était vraiment démunis par rapport à ça et il y avait différentes écoles, si je puis dire. Ben, on va décrire très techniquement les actes comme ça, ça fait plus scientifique. Oui, mais les gens vont pas comprendre, etc. Donc ce qu'on a décidé, c'est de travailler avec une équipe de linguistes pour savoir quels termes il fallait utiliser. Les termes qu'on a utilisés dans le questionnaire, c'est effectivement le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus, vous avez pris le sexe de votre partenaire dans votre bouche. Enfin, c'était des termes presque descriptifs médicaux. On n'a pas parlé de cunnilingus, on n'a pas parlé de fellation, on n'a pas parlé de sodomie. On a décrit physiquement quel organe était en contact avec tel organe. Et on s'est rendu compte que c'était la méthode qui allait nous permettre de toucher le plus grand nombre de personnes. L'espèce de petite grivoiserie qu'il y avait de temps en temps, parce qu'à manier tout le temps des concepts sur la sexualité, ça fait que, d'abord ça, pour tout le monde, hein, ça fait qu'on libère un peu l'anxiété ou la peur de se dévoiler par des petits rires, des fous rires, des trucs comme ça. Et puis après, dans la confection des questions, il y en avait qui tenaient beaucoup à une question parce que c'était leur champ de recherche. Voilà, donc j'ai quelques souvenirs un peu rigolos. C'était au moment des questions sur les pratiques, mais vraiment hard, c'est-à-dire le cœur des questions. Quelqu'un est arrivé avec, je crois, le kick-fusting ou fucking ou un truc comme ça. Et on a regardé, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais quelle horreur. Et il a dit, si, ça se pratique dans les milieux homosexuels américains, c'est marqué dans les revues, donc ça figure dans les questions un peu hard. Donc ça m'a appris à utiliser ces mots en public. Cunnilingus, fellation, voilà, des choses comme ça. Qu'avant, éventuellement, ça s'appelait préliminaire. Alors nous allons maintenant parler de ce qui a pu changer dans votre comportement sexuel depuis qu'on parle du sida. Pour chacune des phrases suivantes, vous me direz si elles s'appliquent à vous. J'ai eu des rapports sexuels uniquement avec des personnes dont je suis amoureux. Je n'ai des rapports sexuels qu'avec des personnes que je connais. Je demande un test de dépistage à chaque nouveau partenaire. Je pose des questions à mon partenaire sur sa vie sexuelle passée. J'ai abandonné les rapports sexuels avec pénétration. J'ai cessé d'avoir des rapports sexuels avec des prostituées. C'est important de savoir si les gens avaient une endogamie sexuelle ou si c'était des réseaux ouverts. Et ça, c'était des questions très importantes pour la dynamique de l'épidémie. C'est-à-dire, on ne le disait pas comme ça. C'est qui baise avec qui, si vous voulez, ça on ne le savait pas. Est-ce que les homos sont un groupe restreint, c'est-à-dire qui est cloisonné dans la société, ou les homos sont des bisexuels, mais c'était de savoir si ça allait rester confiné chez homo, ou si ça allait toucher toute la société. Mais alors, à l'époque, on a eu une des hypothèses et un des fantasmes, ça a été justement que le sida allait toucher tout le monde. Et toute la prévention qui s'est mise en place à partir, c'était la prévention en population générale. C'était l'idée, quand on est hétéro, avec qui est-ce qu'on a des relations sexuelles? Est-ce qu'on a un partenaire qui a des facteurs de risque? Alors c'était des homos, c'était des toxicos, ou des gens d'Afrique subsaharienne ou des Caraïbes. La question, c'était les groupes à risque. On avait besoin de connaître la dynamique de l'épidémie de transmission par voie sexuelle. Et c'est de savoir qui a des relations sexuelles avec qui et qu'est-ce qu'on fait avec qui. Alors, on lit le texte ensemble. Bonjour, je travaille pour le compte de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Donc, vous lisez le début. Alors bonjour, je m'appelle Julie Lemaire, je travaille pour le compte de l'INSERM, qui est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Je vous appelle suite à la lettre que l'INSERM vous a envoyée il y a quelques jours au sujet d'une étude portant sur 20 000 personnes. Est-ce que vous avez reçu la lettre? Donc je vous rappelle que l'INSERM réalise une grande étude à l'échelle nationale auprès de 20 000 personnes sur la santé pour aider à mieux définir la prévention. Donc votre numéro de téléphone a été tiré au sort. Pour des raisons statistiques, il est nécessaire de tirer au sort quelqu'un de votre domicile qui participera à notre étude. Donc pour cela, je vais d'abord vous demander si là où je vous appelle, c'est votre domicile habituel. Est-il possible d'être seul dans Est-ce que la je peux parler avec quelqu'un de 18 ans ou plus? Non. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un entre 18 et 69 ans qui habite régulièrement? Il n'y a pas, que des questions sur les relations sexuelles. Hein. Alors en fait, avant que les enquêteurs les appellent, les gens recevaient une lettre annonce, où on expliquait, une lettre en tête de l'INSERM, qu'on réalisait une grande enquête en France pour guider les politiques de prévention. On parlait pas de sida et on parlait pas de sexualité. On restait volontairement très vague. Donc la légitimité pour participer à l'enquête, c'était une enquête pour guider les politiques de prévention de la part d'un éminent institut de recherche, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. On ne donnait le sujet de l'enquête que quand la personne qui allait répondre au questionnaire était choisie. Et donc, ensuite, quand on avait la personne au téléphone, on lui disait que c'était important, que c'était une enquête scientifique et que c'était important que la personne soit seule. L'enquête étant totalement anonyme, les numéros de téléphone, ils étaient composés par un automate d'appel. Donc l'enquêteur, il se retrouvait devant son écran, il savait absolument pas s'il était en train d'interroger quelqu'un boulevard Beaumarchais à Paris ou au fin fond de la Lozère ou autre. Je me souviens très bien d'un appel, un des entretiens que j'écoutais, la dame répondait « Ah ben non, je peux pas ». Donc c'était Marie qui avait été sélectionnée pour répondre. Ah ben non, il est encore au champ. Ah ben attendez, je vois son tracteur qui arrive. Voilà, les gens, et on l'entendait très bien au téléphone, les gens, ils participaient à une recherche scientifique comme citoyens. On a toujours joué carte sur table. On disait, bon, maintenant, je vais venir à des questions plus personnelles sur votre vie sexuelle. Ces questions sont posées parce que les chercheurs ont besoin d'eux. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Et ces questions s'adressent à 20 000 personnes. On disait, certaines questions peut-être ne vous concernent pas. On disait exactement ce qu'on allait faire. Et on a pris personne par surprise sur le type de questions. Mais des personnes qui raccrochaient parce qu'elles trouvaient que nos questions étaient vraiment extrêmement crues ou indiscrètes, il n'y en a pratiquement pas eu. À votre avis, pour se sentir bien, un homme doit avoir un rapport sexuel tous les combien? Au moins une fois par jour? Au moins une fois par semaine? Au moins une fois par mois? Moins fréquemment? Ça dépend de l'âge. D'accord. Et une femme? Et une femme? Au moins une fois par jour? Au moins une fois par semaine? Au moins une fois par mois? Moins fréquemment? Une fois par semaine. Alors, depuis 5 ans, est-ce que vous avez eu une fois ou plus des rapports sexuels en payant ou en étant payé? Depuis 5 ans, madame. Non. En moyenne, combien de rapports sexuels avez-vous par mois avec ce partenaire? Cette enquête, réalisée en 91-92, a été réalisée au téléphone. C'est la première fois qu'on réalisait une enquête scientifique sur un sujet médical, en particulier sur les comportements sexuels, par téléphone, ce qui, quelques années avant, aurait été complètement jugé impossible, irréaliste et de mauvaise qualité. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans un entretien face à face, et si je vous regarde dans les yeux et si je vous demande quand est-ce que vous êtes masturbé pour la dernière fois, habituellement ça provoque une certaine gêne, quoi. C'est un peu surprenant. Mais si je fais ça au téléphone, Le téléphone est un formidable outil qui rend une question non pas complètement neutre, mais qui l'enlève tout son côté affectif. On a aussi, sous la contrainte de la CNIL, rendu l'enquête complètement anonyme, c'est-à-dire qu'on prévenait les gens que si la conversation était interrompue, on ne pouvait pas les rappeler. Le numéro de téléphone qu'on utilisait était effacé dès qu'ils répondaient à la première question. Un anonymat complet. Et ça, ça a fait que le taux de participation à l'enquête était de plus de 70%. Alors que d'habitude, dans les enquêtes téléphoniques jusque-là, qui portaient sur les yaourts, sur les produits de consommation courante, le taux de participation aux enquêtes téléphoniques dépassait rarement entre 10 et 30%, disons. Non seulement on a eu un taux de réponse extrêmement élevé, mais on a eu une qualité de réponse qu'on a pu vérifier. Et tout ça a très bien fonctionné. Qu'évoque pour vous le mot de sexualité ? Des relations sentimentales ou amoureuses ? Le plaisir sexuel ? Une question morale, un problème médical, avoir des enfants. Tout s'est construit au jour le jour, y compris la dimension méthodologique qui était extrêmement compliquée, où là aussi on a fait des paris. On a inventé un plan de sondage assez original, c'est-à-dire que l'enquête partait sur 20 000 personnes et on voulait interroger systématiquement les personnes dont on savait que d'un point de vue de l'épidémie, justement, leur pratique sexuelle était particulièrement intéressante à étudier. Très clairement, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes et les personnes qui consommaient de la drogue par voie intraveineuse. Sauf que quand vous n'allez pas commencer un questionnaire en disant « Bonjour, est-ce que vous avez des rapports homosexuels dans les 12 derniers mois ?» Ça, c'est pas possible. Et donc, on avait mis au point un système de filtres. Donc, on posait un certain nombre de questions de âge, sexe, etc. Et ensuite, on disait, la phrase était de mémoire, je vais vous lire un certain nombre de situations et vous me direz si l'une d'entre elles vous correspond sans me préciser laquelle. Et dans ces situations, il y avait, vous êtes un homme et vous avez eu des rapports sexuels avec un homme, vous avez pris une drogue par voie intraveineuse dans les 5 ans, vous avez eu plus de 2 partenaires dans les 12 mois et vous êtes né le 1, le 4 ou le 21 du mois. Et donc, vous étiez interrogé, si vous répondiez oui, l'enquêteur ne pouvait pas savoir si vous avez répondu oui parce que vous êtes né le 4 mai, parce que vous avez eu 2 partenaires ou parce que vous avez des rapports homosexuels. Et donc tout l'intérêt de ce système qu'on a inventé, c'est qu'on répondait oui sans savoir à quoi on répondait, l'enquêteur ne pouvait pas savoir à quoi vous répondiez. Et derrière, toutes les personnes qui avaient dit oui, elles allaient dans le questionnaire approfondi qui pouvait durer jusqu'à 1h30. À CSF, ça a été fait dans le contexte de sida égale mort. Il faut mettre en place des stratégies de prévention par rapport aux risques liés à la sexualité. Alors, moi, en tant qu'épidémiologiste, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre les déterminants de ces situations à risque. Qui faisait quoi avec qui? Et j'ose à peine dire pourquoi. Quelles personnes prennent des risques liés à la sexualité, que ce soit consciemment ou pas, intentionnellement ou pas, quelles personnes, quelles sont leurs caractéristiques. Dans le cas de l'épidémie de sida, par exemple, une activité sexuelle à très grand risque était la pénétration anale non protégée. Ce qui m'intéresse, moi, c'est, par exemple, est-ce que la pénétration anale protégée est très fréquente au début d'une relation sexuelle entre deux hommes, ou au contraire, est-ce que le début de la relation est protégé, puis progressivement, au fur et à mesure qu'on se connaît mieux, on abandonne la protection. C'est ce type d'informations qu'on a été capable de produire, finalement, et qui ont pu être utilisées, effectivement, pour les stratégies de prévention. À chaque... On prend la question à quel âge vous avez eu votre premier rapport sexuel ? La question qui vient immédiatement après, c'était avec un homme ou c'était avec une femme? C'est-à-dire, toutes les questions sur l'activité sexuelle, on demande si c'est un homme ou si c'est une femme. C'est-à-dire que l'évidence de l'hétérosexualité disparaît. C'est-à-dire, on ne croit plus, on ne prend plus pour une évidence donnée que tout le monde est hétérosexuel et qu'il y a un accident qui est l'homosexualité. Ça devient partie structurante, centrale, de la construction de la sexualité. La possibilité de l'homosexualité est au cœur du questionnaire de cette enquête. Je ne suis pas du tout d'accord avec chacune d'elles. Si je fais très attention, je n'attraperai pas le sida. Si j'attrape le sida, c'est que les mesures prises par le gouvernement pour empêcher que l'épidémie se développe auront été insuffisantes. Si j'attrape le sida, c'est que je n'aurai pas pris toutes les précautions. Si tel est mon destin, je n'attraperai pas le sida. On se sentait entre guillemets investi d'une mission en fait. Surtout, remercie... Delphine Joannet avait 20 ans à l'automne 91 quand elle est embauchée par l'Institut de sondage BVA pour la passation des questionnaires, après 2 jours de formation. C'est une mission de 2 mois, ils sont 90 enquêteurs qui font souvent ça comme job d'étudiant, après leur cours. Alors bon, c'est vrai que quand on a découvert les questionnaires longs, poser des questions très intimes, il y a eu entre guillemets une explication de texte, parce que peut-être que les personnes qui allaient enquêter ne connaissaient pas forcément toutes les pratiques. Donc je vous lis tel que c'était écrit dans le questionnaire. Donc on disait, nous allons maintenant parler du dernier rapport sexuel avec cette personne. Et là, on enchaînait sur les questions. Donc on disait, à ce moment-là, est-ce que vous étiez très amoureux de cette personne, plutôt amoureux, pas du tout amoureux, pas de réponse. Ensuite, on demandait où avait lieu ce rapport sexuel, où a eu lieu ce rapport sexuel. Donc on disait un appartement, une maison, un hôtel, dans la nature, un lieu public, une voiture, un train, un lieu de prostitution, un ascenseur, des toilettes, autre endroit, je ne sais plus, ou pas de réponse. Ensuite, on disait juste avant ce rapport sexuel, est-ce que votre partenaire ou vous-même avez exprimé votre désir sexuel par des mots ? Non, oui, vous-même, oui, votre partenaire, oui, les deux, pas de réponse. Donc après, on demandait, et juste avant ce rapport sexuel, est-ce que vous avez parlé avec votre partenaire ? Oui, non ou non réponse. De sentiments d'amour, de maladies qui se transmettent sexuellement, de contraception, du sida, d'autre chose ou de rien. Après, on avait qui avait le plus envie de ce rapport sexuel d'après vous, vous-même, votre partenaire, les deux également, ou pas de réponse. Le parti pris de former les enquêteurs pour qu'ils soient un peu intelligents dans ce qu'ils faisaient et qu'ils aient des ressources de temps en temps s'ils sentaient que l'autre allait pas vouloir continuer ou s'empêtrer ou trop parler, ou bref, il valait mieux qu'ils se sentent eux-mêmes partie prenante de la recherche. C'est-à-dire, vous faites quelque chose d'important vous-même. C'est-à-dire que ce qu'ils disaient aux enquêtés, on pouvait le leur dire aussi. C'est pas si facile, on sait bien, mais vous êtes utile, vous faites un travail scientifique, sur le plan éthique, tout est nickel, enfin, vous n'êtes pas des petits vicieux, vous êtes des chercheurs. Il y a une partie de votre travail qui consistait à accompagner sur le terrain, à l'Institut de sondage, ces enquêteurs. Mais d'abord, j'ai découvert les instituts de sondage, j'avais absolument aucune idée. Donc c'est des salles collectives, ils sont assis les uns à côté des autres, ils sont un peu isolés parce qu'ils ont en fait le micro dans les oreilles, donc la personne qui parle, les autres n'entendent pas, mais ils peuvent entendre un peu ce qui se dit à côté. Bon, je vois comme ça, il y avait 2 couloirs, c'était un peu en U comme ça, et il y a des salles où les superviseurs écoutent. Moi, je sais tout à fait ma position, mais je pense que c'était pas que la mienne, c'était la position, en tout cas, du groupe des psys, de pas arriver par surprise dans les conversations en cours. Donc ma place était dans le couloir, où il y avait donc de part et d'autre ces 2 lignes d'enquêteurs. Mais je me souviens que par moments, quand ils avaient fini, ils avaient besoin de se relâcher ou dire des trucs ou parler un peu. Et on était là. C'est qu'un jour, c'était un jeune homme, tout d'un coup, il y a eu un grand silence dans le. Et plus d'interlocuteurs du tout, rien. La personne ne répondait plus, ni n'avait raccroché, ni n'avait fait savoir que ça n'allait pas. Et il s'est complètement angoissé et il a pensé qu'il avait. C'était quelqu'un de possiblement d'une génération de grands-parents pour lui. Et il a eu ce fantasme qu'il avait posé des questions tellement violentes que la personne avait eu un infarctus. Et bien sûr, pas moyen de le rappeler, parce que je crois qu'il n'était pas possible de le rappeler. Donc il était dans un état d'angoisse fort. Mais être un jeune qui interroge sur sa sexualité quelqu'un qui a l'âge des parents, c'est pas anodin. Est-ce que vous trouvez que les situations suivantes sont tout à fait acceptables, plutôt pas acceptables ou pas du tout acceptables ? Au cours de son mariage, un homme peut avoir quelques aventures avec quelqu'un d'autre. Et une femme. 2 hommes peuvent avoir des rapports sexuels ensemble. Vous avez avalé le sperme de votre partenaire. Et 2 femmes. Non, jamais. Un homme peut se masturber. Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre vagin. Oui. Souvent, parfois. Souvent. Votre partenaire vous a léché l'anus. Non, jamais. Vous avez léché l'anus de votre partenaire. Je me souviens d'une enquête où la personne, donc c'était une jeune femme, répondait au questionnaire long, donc dit long, où je lui posais des questions sur son premier rapport sexuel qu'elle avait eu dans sa vie. Elle m'expliquait qu'elle avait été violée dans un vestiaire de piscine. Et là, moi, la consigne que j'avais reçue, quelle que soit la réponse que nous donnait la personne aux questions qu'on posait, c'était d'enchaîner les questions les unes après les autres et de surtout pas avoir de réaction, quelle qu'elle soit, et d'être le plus neutre possible pour ne pas influencer les réponses des personnes qui étaient interrogées, pour qu'elles répondent de la manière la plus spontanée possible. Quand cette personne m'a dit qu'elle avait été violée, évidemment, ça ne m'a pas laissé insensible. J'ai dû peut-être marquer un silence quand même après qu'elle m'ait dit ça, parce que même si je devais enchaîner sur les questions C'est difficile de rester de marbre, donc j'ai dû quand même marquer un silence, mais par ma façon d'exprimer ma gêne, ça a été justement d'enchaîner sur les questions suivantes sans trop m'apesantir sur cette question-là, quoi. Effectivement, ça a permis à la personne de répondre naturellement, j'ai envie de dire, sans remonter trop dans ses souvenirs, quelque part. Janine Richard-Zappella, vous faisiez partie de l'équipe des linguistes qui ont travaillé pendant la phase pilote de l'étude sur la formulation de chacune des 400 questions du questionnaire. Mais ça consistait aussi, ce travail, à anticiper, à analyser ce qui allait se passer entre les enquêteurs et les enquêtés. Chez les enquêteurs qui étaient très jeunes, à la voix qu'ils entendent, ils se disent « ça pourrait être mon père, ma mère que j'interroge ». Et à partir de ce, notamment pour des questions qui sont quand même, effectivement, qui eux, certains caractérisent comme hard, pour dire qu'elles sont très intimes et qu'elles vont quand même, elles sont violentes. À titre d'exemple, je vais vous donner un passage, une retranscription d'une enquête menée par donc un enquêteur. Pouvez-vous m'indiquer si vous avez au moins une fois, vous vous êtes pris tendrement dans les bras, là ça commence très soft, on peut dire, oui, vous êtes embrassé tendrement, vous vous êtes caressé, on passe d'embrasser à caresser, alors on ne sait plus quelle partie, donc là on sent aussi la gêne chez l'enquêteur, hein. Vous êtes caressé les corps tendrement, oui, votre partenaire vous a masturbé, non, c'est un homme, il dit tout de suite non, votre sexe a pénétré dans le vagin de votre partenaire, ça va crescendo, la réponse oui, vous avez sucé le sexe de votre partenaire, non. Votre partenaire vous a sucé le sexe, non plus. Et là, bafouillement de l'enquêteur qui, pour parler de la pénétration, votre sexe a pénétré dans l'anus de votre partenaire. Donc là, pour lui, il bafouille. Alors, votre partenaire avait-elle ses règles pendant son rapport? Là aussi, sujet quand même tabou. Non. Pendant ce rapport, y a-t-il eu éjaculation? Oui, combien de fois? Une. Où le sperme s'est-il répandu? Donc, on entre de plus en plus dans les précisions, non seulement dans l'intimité, mais dans la précision, y a-t-il eu après? Et là, on passe directement, je dirais, des pratiques pendant aux pratiques post. L'un des gestes d'hygiène suivant avait le rapport, vous avez lavé votre sexe? Non. Vous avez lavé votre anus? Parce qu'on reprend chaque terme qui avait été, puisque ce sont les différents organes qui ont pu être utilisés. Donc, on comprend que pour un enquêteur qui n'est pas médecin, se trouver confronté à des mises en mots comme ça, à travers le téléphone, ça le met dans une situation de gêne. Il ne faut pas m'en vouloir, moi, si j'emploie ces termes qui peuvent vous choquer. Moi-même, je suis contraint de le faire. Ce sont les chercheurs, ils ont leur objectif. Votre partenaire a pénétré dans votre vagin. Si oui, avait-il mis un préservatif? Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre anus. Si oui, avait-il mis un préservatif? Je me rappelle d'une dame qui avait dû tomber sur ce questionnaire long à cause de la méthode dite anniversaire, donc qui ne devait pas appartenir à un groupe dit à risque. Comme elle disait qu'elle était chrétienne, qu'elle allait à la messe tous les dimanches. Elle a dû me répondre oui à le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre vagin et non à tout le reste. Et elle me disait mais non, mais comment, mais il y a des personnes qui font ça, mais c'est dégueulasse. Enfin bon, voilà, elle était choquée. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'elle était choquée, mais elle continue de répondre. Elle aurait pu, à un moment donné, clore l'entretien et dire, bon, écoutez, vous posez des questions trop intimes, j'ai pas envie d'y répondre, merci, au revoir. Et à aucun moment, elle a voulu arrêter l'entretien, elle allait jusqu'au bout. Ils avaient peut-être l'impression de jouer un rôle important dans l'élaboration de cette enquête, quoi. Il y a de ces questions, hein. À quoi ça a servi? Ça a servi à apporter une connaissance nouvelle sur la sexualité, parce que surtout, on n'avait pas l'habitude de traiter cette question de façon statistique, c'est-à-dire en population. Autrement, il y a les cas cliniques, la psychanalyse, les petits groupes, les enquêtes ethnographiques, etc. Là, on a eu une représentation de l'activité sexuelle avec des questions précises sur les types de contacts, les organes qui sont en contact les uns avec les autres. Il y avait des questions, par exemple, sur là où le sperme se répand. Et ça, c'est effectivement les questions qui étaient suscitées par la problématisation du sida. C'est-à-dire, vous avez eu un rapport, est-ce que lors de ce rapport, vous avez utilisé un préservatif? Dans quel orifice ça s'est passé? Et où est-ce que le sperme s'est répandu? C'était quand même des questions d'une précision très importante. Enfin, c'est pour ça qu'on a formé les enquêteurs, parce que les enquêteurs n'étaient pas prêts à passer les journées entières à demander aux gens où est-ce que votre pénis a pénétré, où est-ce que le sperme s'est répandu, etc. Et quelles étaient les pratiques sexuelles de la population, c'est-à-dire qui avait des relations sexuelles avec qui. Mais il y avait cette idée-là d'arriver à modéliser la dynamique de l'épidémie à partir de ce qu'on montrait. C'est-à-dire, on avait par exemple des données très très importantes sur les caractéristiques psychosociales des partenaires sexuels. Enfin, on avait toute une typologie des partenaires sexuels. Il y avait le nouveau partenaire sexuel, le conjoint, à l'opposé, et il y avait des catégories intermédiaires, quelqu'un, le partenaire régulier ou le partenaire cohabitant, enfin, des choses comme ça. Et on a découvert qu'il n'y avait que 20% de la population qui avait un nouveau partenaire au cours des 12 derniers mois. C'était, je veux dire, on a découvert quand même que la sexualité était relativement limitée. On était loin de la promiscuité des années 70. Et que quand on prend les 20% qui ont un nouveau partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois, ce nouveau partenaire sexuel, il a toutes les caractéristiques, ils ont les mêmes caractéristiques que les conjoints. C'est-à-dire que la rencontre sexuelle, dans la majorité des cas, c'est une rencontre en vue de l'établissement dans une relation durable. Ce qui est clair, c'est que c'est une mine d'or d'avoir cette enquête-là comparée à celle de 1970 et encore plus maintenant qu'on en a une en 2006. C'est une mine d'or sur l'évolution de la société française. Et on a pu aussi, sur le volet des données, plus sur l'utilisation du préservatif, montrer, ce qui est quand même une surprise d'un point de vue de la santé publique, à quel point le préservatif s'est rapidement imposé comme une norme à l'entrée dans la sexualité. C'est rare, dans le domaine de la santé publique, qu'un discours de prévention ait une telle efficacité en aussi peu de temps, que les problèmes qui restaient soulevés par ailleurs, c'était, une fois qu'on avait utilisé un préservatif, après c'était la question de la pérennité de son utilisation, et que souvent l'usage du préservatif était arrêté trop tôt. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça a par exemple pu aussi guider les politiques de prévention qui ont pu insister sur le fait que si on veut arrêter, il faut faire des tests. Et puis aussi, cette enquête et d'autres montrent aussi le niveau de risque très élevé qui persiste dans certains groupes qui sont très clairement les jeunes homosexuels masculins, qui sont extrêmement à risque. Et on voit à travers cette enquête qu'on est toujours sur des... Même si l'acceptation sociale de l'homosexualité a beaucoup évolué au fil du temps, que ça reste éminemment problématique dans certains milieux et que pour se protéger, il faut déjà se sentir avoir une place dans la société. Se protéger pour vivre dans une société dans laquelle on a l'impression d'avoir aucune place, c'est aussi cette dimension-là qui est extrêmement importante sur les rapports entre... l'homophobie, c'est un... Pour dire les choses autrement... C'est un grand facteur de risque pour l'épidémie parce que les sociétés homophobes, les gens n'ont pas envie de se protéger. La conclusion de tout ça, c'est que finalement, les enjeux de santé, c'est pas forcément des enjeux prioritaires dans la vie des gens et qu'il y a d'autres enjeux qui sont beaucoup plus importants et structurants avant de pouvoir se protéger. Un autre exemple qui illustre que les enjeux de santé, c'est pas une rationalité simple. Je pense que les femmes qui se prostituent, elles ont beau savoir qu'elles ont intérêt à mettre des préservatifs avec leur partenaire, quand c'est la fin de la soirée et qu'elles ont besoin d'avoir de l'argent pour vivre, elles vont accepter un rapport non protégé. Parce que le rapport sexuel, en l'occurrence, s'inscrit dans un rapport de pouvoir, de domination, où c'est l'homme qui paye, et puis en plus c'est un homme, etc., etc. Et donc voilà, on a beau savoir, on ne va pas toujours se protéger. Moi, j'étais donc déjà très, très engagé dans les actions pratiques et concrètes quand l'enquête ACSF est sortie. Et pour moi, c'était un outil absolument majeur. Gérard Pellet a mené des actions de prévention au sein de la communauté homosexuelle à partir de 1987, malgré la sidération qui frappait le milieu gay au début de l'épidémie. Son association s'appelait Santé Plaisir Gay. En plus de produire ses propres dépliants sur le Safer Sex, elle organisait des groupes de parole sur le préservatif, des groupes de massage et même des groupes de masturbation collective qui permettaient de continuer à vivre une sexualité sans risque pour son statut sérologique. Des actions cash, connectées aux pratiques réelles, qui s'appuyaient sur les travaux de Michael Pollack. Michael Pollack est mort du sida à 43 ans, en juin 92. Dès 1985, ce sociologue, militant homosexuel, avait saisi l'urgence de produire des données objectives sur la sexualité pour faire face à l'épidémie. Il avait lancé des enquêtes auprès des lecteurs homosexuels masculins de la revue Guépier Hebdo. Gérard Pellet, qu'est-ce que l'enquête nationale ACSF apportait à des acteurs de la communauté homosexuelle comme vous ? Et pour moi, c'était un outil absolument majeur qui m'a énormément intéressé parce que, avec une méthodologie extrêmement rigoureuse, des moyens, une équipe compétente, on avait à enfin avoir un panorama à jour de la situation des pratiques sexuelles des personnes vivant en France à cette époque. Donc là, on pouvait mettre sur la table un certain nombre de choses. Ça permet de dégonfler des baudruches et de mettre un peu les points sur les i sur la réalité des choses. Sinon, on bascule tout de suite dans l'idéologie. Il faut qu'il y ait de la production de connaissances pour qu'après, les uns et les autres, que ce soit les associations, les pouvoirs publics, disent ben, de ça, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui est important ? Est-ce que la contamination continue ? Est-ce que ça se calme ? Est-ce que les gens ont changé les comportements ? Enfin, s'il y a des... Et à partir de là, après, on monte des politiques publiques. Donc, c'est pour ça que la production de connaissances est quelque chose d'absolument indispensable pour avancer, surtout sur des sujets comme ça, qui sont difficiles, compliqués, entre les activistes homosexuels qui pensent que presque tout le monde est homo, c'est caricature, hein, enfin, qu'au moins 30% des hommes et des femmes sont homosexuels, et ceux qui ne veulent pas entendre parler des homosexuels. Que sinon, ça n'existe pas chez nous, bien entendu. Et donc, c'est que là, quand l'enquête ACSF est sortie, qu'on s'aperçoit que, justement, les hommes ou les femmes ayant des rapports avec des personnes de leur sexe sont peu nombreuses. Donc, on est, pour les hommes, hein, en particulier, 1% à l'époque de rapports réguliers et jusqu'à 5% dans la vie. Bon. Ça, c'est des choses majeures, parce que ça relativise et en même temps montre les limites, parce que là, on se retrouve avec des petits nombres. Et pourquoi le sida s'est tant développé chez les hommes homosexuels ? Parce que ils se mordent la queue, si j'ose dire. En tournant, c'est un petit groupe qui baise entre lui, forcément. Les hommes homo, ils baissent pas avec des femmes. Alors, il y a des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes et avec des femmes. Alors, ça, c'est encore un autre sujet. Et là, par exemple, la grande campagne de 95, de l'été 95, qui est vraiment la grande campagne... Suite à la CSF, suite à la première enquête de 92, c'est... Oui, ben, c'était ces outils-là. On a identifié des 13 situations vulnérables dans lesquelles... On aborde à la fois la difficulté du préservatif, le coup de foudre, vous la trouvez craquante, bah dites-vous que c'est ex aussi. Pareil, côté version homme, version femme. Quand vous faites l'amour avec Sophie, pensez à protéger Virginie. Mais quand vous faites l'amour avec Pierre, pensez à protéger Virginie. Donc on abordait la bisexualité, le multipartenariat hétéro, le multipartenariat ono, la difficulté pour la première fois qu'on a un rapport sexuel, quand même un moment qui est quand même pas simple, compliqué, des fois traumatisant, et ça. Donc voilà, on a essayé de faire, et ça c'était une campagne tout public, hein, le Figaro, le Nouvel Obs, c'était des pages entières, quadrilles, et des choses comme ça. Donc d'abord, il y a un tournant dans la manière de communiquer sur le... C'est le tournant de 95, c'est-à-dire qu'on a voulu accrocher les gens sur... ce que eux pouvaient se retrouver dans leur pratique. Tout le monde en parle, parce qu'il concerne tout le monde. Et c'est parce qu'il concerne tout le monde qu'il concerne l'État. C'est le sida. Prévenir, aider, informer, soutenir encore davantage. Nous avons décidé de faire du sida une priorité de santé publique. Tout d'un coup, on s'est dit, et si on allait voir la mer ? Du temps ne peut plus en perdre. Notre amour, on veut le vivre plus fort. Les choses bougent donc, petit à petit. La campagne nationale de 1995 est censée être la plus audacieuse de toute l'histoire de la prévention du sida en France. Explicite, ciblée, ouverte. Je suis séropositive. Mais la veille de la présentation publique par la ministre de la Santé, Elisabeth Huppert, le Canard enchaîné révèle que certains messages ont été supprimés à la dernière minute par d'autres membres du gouvernement, pour ne pas inciter à la débauche. Plus de mention des risques de contamination liés à la fellation ou au cunnilingus, plus d'allusion à l'homosexualité dans les messages généraux. À la conférence de presse, les militants d'ACT UP interpellent la ministre. Madame la ministre, à partir de dorénavant, madame la ministre, écoutez-moi. Madame la ministre, à partir de dorénavant, je vous rends responsable et coupable de toutes les contaminations des homosexuels. Je vais vous les amener dans votre bureau et vous allez devoir assumer ça. Est-ce que oui ou non, vous avez accepté que Colette Connaccioni et François Baroin censurent votre campagne? Est-ce que oui ou non, vous êtes toujours ministre de la Santé? En attendant plus de courage politique de la part des institutions publiques, ACT UP produit ses propres spots télé, sans périphrase ni euphémisme. Cet homme fait une fellation à un homme. Cette femme fait une fellation à un homme. Ces toxicomanes se font une injection. Ces deux femmes pratiquent un cunnilingus. Ces deux hommes pratiquent la sodomie. Cet homme et cette femme pratiquent également la sodomie. Cet homme et cette femme pratiquent un coït vaginal. Aucune de ces pratiques à risque n'a transmis le virus du sida. Tout cela a été fait avec un préservatif, une digue dentaire et une seringue propre. La loi nous interdit de vous en montrer plus. Notre devoir est de vous dire, protégez-vous. Il faudra attendre la campagne de l'an 2000 pour qu'enfin des militants homosexuels se sentent reconnus, pris en compte dans les messages grand public de prévention. Pour la première fois, le secrétariat d'État à la Santé il lance une campagne à destination des homosexuels avec un ton résolument nouveau. On y voit des jeunes hommes ensemble sur un lit ou sur un canapé et sous deux des photos des slogans plus qu'éloquents « Qui vivra baisera » et « Qui vivra jouira ». On appréciera ou on sera choqué, mais pour l'association AIDE qui a participé à l'élaboration de cette campagne, on montre enfin les choses telles qu'elles sont. Christian Saout est son président. Pour une fois, on met en balance dans le discours le préservatif d'un côté et les traitements de l'autre. La légèreté du préservatif, la légèreté de l'outil de prévention d'un côté et la lourdeur du traitement de l'autre. On montre dans les visuels des situations, la vie des homosexuels qui sont en couple ou qui ne sont pas en couple, qui sont dans des couples parfois séro-différents où une personne est séropositive, l'autre est séro-négative, qui sont parfois dans des relations qui ne sont pas des relations sur la durée. Donc je crois que les choses, elles sont dites, elles sont montrées. Elles sont montrées dans les journaux de la communauté et dans les espaces de rencontre de la communauté gay. Je pense qu'il faut que cette campagne-là et cette méthode-là soient déclinées dans d'autres endroits et sur d'autres thèmes. Aujourd'hui en France, 153 000 personnes vivent avec le VIH. Chaque année, environ 6 000 personnes découvrent leur séropositivité. Enquêter sur la sexualité, l'histoire d'une aventure scientifique au temps du sida, avec Nathalie Bajos, Alfred Spira, Alain Giamy, Hélène Olomouki, Janine Richard-Zappella, Delphine Joannet et Gérard Pelé. Archivina Viviane Lefebvre, merci à Marguerite Delassa et au service documentation du CRIPS. Une émission de Delphine Saptel, réalisée par Vincent Deck. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez scruter votre sexualité, bibliographie, lien, nous réécouter au lit ou nous podcaster pour les jours de chasteté, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr.